بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام لهذا الدرس الأخير في شرح كتاب الصيام من منهج السالكين. Bienvenue aux chers frères et sœurs pour ce dernier cours, le cours numéro 7, le septième et dernier cours, dans l'explication du chapitre du jeûne tiré de Manhaj al-Salikin du Cheikh al-Sa'di rahimahullahu ta'ala. On a vu lors du cours précédent le sujet du jeûne surérogatoire du lundi et jeudi et aussi le fait de jeûner trois jours dans le mois. Pour ceux qui veulent plus de précision, vous pouvez retourner, inshallah ta'ala, vers le cours qu'on a fait à la mosquée Al-Huda. C'était le dernier cours de l'étude de plusieurs chapitres du jeûne tiré de Riyad al-Salihin. Le dernier cours dans lequel j'ai détaillé le sujet, donc concernant, surtout je parle ici du jeûne des trois jours par mois, et les paroles des savants concernant ce sujet. Ensuite, concernant Manhaj al-Salikin, l'auteur qui nous dit, Rahimahullah, وَنَهَا عَنْ سِيَامِ يَوْمَيْنِ يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه. Et il a interdit le jeûne de deux jours. Donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a interdit le jeûne de deux jours. Le jour du fitr, le jour de la rupture du jeûne, et le jour du sacrifice. Et donc les deux Eid. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. أيها الإخوة هذه المسألة مسألة مجمع عليها. Ce sujet, oh chers frères, est un sujet d'unanimité. أجمع العلماء على تحريم صيام هذين اليومين. Les savants sont unanimes quant à l'interdiction de jeûner ces deux jours. ومن صامهما فهو آثم وصيامه فاسد. Et celui qui jeûne un de ces deux jours, ou ces deux jours, alors il est pécheur et son jeûne est caduque. Son jeûne est caduque. Taïb, c'est quand le jour du Eid al-Fitr, donc le jour de la rupture du jeûne et le jour du sacrifice. Fal awwal ay Eid al-Fitr huwa fi al-awwal min Shawwal. Et donc le Eid al-Fitr, c'est le premier jour du mois de Shawwal. Le premier jour du mois de Shawwal, donc qui annonce la fin du Ramadan. Voilà donc le jour du Eid al-Fitr. En ce qui concerne Yawm al-Nahr, et donc le jour du sacrifice, Eid al-Adha, huwa al-ashir min Dhul-Hijjah. C'est le dixième jour du mois de Dhul-Hijjah, qui est le douzième mois hijjarien. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, il continue et il nous dit « Waqal ayyamu tashriq, ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrin lillahi azza wa jal rawahu muslimun. » Et il dit l'auteur, et il dit, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les jours de tashriq. Les jours de tashriq, ce sont les jours qu'il y a après le jour du sacrifice. Et donc on a la fête liée au sacrifice, Eid al-Adha, le Eid al-Kibir, le grand Eid. Et ensuite, après ce Eid-là, on a trois jours, qui sont le 11, le 12 et le 13 du mois de Dhul-Hijjah. Ces jours-là sont associés au jour du Eid. On les appelle Ayyam al-Tashriq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit concernant ces jours-là, il nous dit, ce sont des jours durant lesquels on mange, on boit et on fait le rappel d'Allah Azza wa Jal, rapporté par l'imam musulmans. Ce sont donc des jours de fête. Ce sont donc des jours de fête. L'auteur ici, il nous montre, ô chers frères, après nous avoir montré les jours durant lesquels il est recommandé de jeûner, il nous montre les jours durant lesquels il est interdit de jeûner. Les jours durant lesquels il est interdit de jeûner. Parmi ces jours-là, il y a donc les jours de fête. Donc, le jour du Eid, ça c'est avec unanimité. Et par contre, At-Tashriq, les savants qui ont divergé concernant ce sujet. Et la vie le plus juste pour ceux qui ne sont pas donc au Hajj, pour ceux qui ne font pas le pèlerinage, c'est que donc il n'est pas permis de jeûner ces jours-là. Ce sont des jours de fête. Wa amma qawluhu wa dhikrinillah ay bi takbir wa ghayrihi. En ce qui concerne la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous dit que ce sont des jours où on fait le rappel d'Allah. Donc ce sont des jours de fête, mais ce sont aussi des jours durant lesquels on fait le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala à ne pas oublier. Et donc ceci par le fait, par le takbir, le fait de dire Allahu Akbar et autres comme rappel. Fa amma Eid al-Fitr فَهُوَ التَّكْبِيرُ الْمُطْلَقُ. En ce qui concerne le jour du Eid al-Fitr, la fête de la rupture du jeûne qu'on va faire bientôt, en ce qui concerne ce jour-là, alors, on a le takbir absolu. التَّكْبِيرُ الْمُطْلَقُ, le takbir absolu, et donc c'est le fait de prononcer le takbir sans qu'il y ait, donc, sans que cela soit délimité, ou lié à une prière particulière. Tu peux le prononcer à n'importe quel moment de la journée. Et donc tu peux dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Ou alors tu peux dire trois fois Allahu Akbar, tu vas dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Et donc cela est recommandé, de faire le takbir, de le prononcer à haute voix pour les hommes, pas pour les femmes. La femme va le faire, le takbir, mais sans pour autant se faire entendre par les hommes étrangers. Taïb wa sunnatu fi dhalika fi Eid al-Fitr min ghurubi ash-shamsi laylat al-Eid ila maji' al-imam. Et donc la sunna en cela, concernant la rupture du jeûne, le Eid lié à la rupture du jeûne, c'est que ce takbir, il commence à partir du coucher du soleil, donc le dernier jour de Ramadan, la première nuit de Shawwal, c'est-à-dire qu'il commence avec le coucher du soleil, jusqu'à la venue de l'imam pour la salat de Eid. Et donc tout ce temps-là, on peut faire le takbir. La personne, elle sort de chez elle, elle fait le takbir. Et il ne faut pas être gêné. Malheureusement, les musulmans qui vivent donc parmi les non-musulmans, ils sont gênés de dire Allahu Akbar. Pourquoi ? Parce que souvent, on va voir les non-musulmans qui vont associer cela à du terrorisme. Non, il faut leur expliquer. Il faut expliquer aux non-musulmans Allahu Akbar, quelle belle parole. Allah est plus grand que toute chose. Allah est plus grand que tout, subhanahu wa ta'ala. Amma fi Eid al-Adha, fat-takbiru yabda'u min dukhul shahr Dhul-Hijjah ila akhir ayyam at-tashriq. En ce qui concerne le Eid al-Kibir, le grand Eid, le Eid du sacrifice, pas le Eid de la rupture du jeûne, mais en ce qui concerne le Eid du sacrifice, alors le takbir, il commence à partir du début de Dhul-Hijjah. Dès que le mois de Dhul-Hijjah commence, ça y est, le takbir absolu, il commence. C'est-à-dire qu'on va faire le takbir le 1er, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, on a le jour du Eid, le 11, le 12, le 13. Masha'Allah. Et les gens, ils font takbir. Pour ceux qui ne sont pas gênés, bien sûr. On a cité tout à l'heure, donc, le fait que beaucoup de nos frères, parfois, ils sont gênés. Wa amma takbir al-muqayyad ay dubura kulli salat fa min fajri yawmi arafah Et ici, concernant le grand Eid, il y a une particularité, c'est qu'on a aussi un takbir qui est spécifique. On a cité pour l'instant at-takbir al-mutlaq, c'est-à-dire le takbir absolu, le fait que tu peux le prononcer tout le temps, au marché, où tu veux. On a une autre forme de takbir, c'est-à-dire la même parole, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Cette même parole, mais cette fois-ci, on la prononce après les salats. Après les salats, sauf que ça commence quand? Ça commence donc après la prière du Fajr, le jour de Arafat. Le jour de Arafat, c'est le 9e jour de Dhul-Hijjah. Le jour de Arafat, c'est le 9e jour de Dhul-Hijjah. Et donc, à partir de là, on commence à prononcer le takbir après les salawats, après les prières, jusqu'à la fin des jours de Tashriq, donc le 13. وانتبهوا أيها الإخوة فإنه ليس هناك دليل على ما يفعله كثير من الناس في الذكر الجماعي. Et attention, chers frères, faites attention, il n'y a pas de preuve quant à ce que beaucoup de personnes font lorsqu'ils vont faire ce dhikr ensemble. Tous ensemble, tu les entends dire d'une seule voix, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, tous ensemble. Il n'y a pas de preuve là-dessus. Il n'y a pas de preuve quant à cela. Bel kullun yukabbir li nafsihi. Mais chacun va faire le takbir pour lui-même. Comme le faisaient les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est eux qui connaissent mieux la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que nous. Celui qui nous dit, non, c'est mieux, c'est permis, tous ensemble, etc. On va lui dire, hâte, ramène-nous la preuve, s'il te plaît. On va lui dire, s'il te plaît, ramène-nous un texte qui montre que les compagnons, ils le faisaient tous ensemble, d'une même voix. Hein? Montre-nous la preuve, s'il te plaît. Et lorsqu'il ne sera pas capable de ramener cette preuve, à ce moment-là, on espère qu'il va comprendre que cela n'est pas légiféré. Que ce n'est pas ça la sunna. Al-Bukhari et Muslim, ils nous citent dans leur recueil As-Sahihayn, selon Anas ibn Malik radiallahu anhu, qui nous dit أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمنهم الملبي ومنهم المكبر. Anas ibn Malik رضي الله عنه dans le Sahihain, qui nous dit qu'ils étaient avec le prophète صلى الله عليه وسلم lors du Hajj, le pèlerinage d'adieu. Il y avait parmi eux Al-Mulabbi, donc celui qui prononçait la talbiya, Labbayk Allahumma Labbayk, Labbayk la sharika laka Labbayk. Et il y avait parmi eux Al-Mukabbir, celui qui disait Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et donc ça, c'est la preuve déjà qu'ils n'étaient pas tous ensemble en train de prononcer la même chose. Et donc celui aujourd'hui qui vient nous voir pour nous dire non, il faut qu'ils soient ensemble, ils disent la même chose, il y en a un qui prend le micro et tous ensemble ils le suivent. On va lui dire, s'il te plaît, barakallahu fik. Encore une fois, parmi les conditions de l'acte d'adoration, il y a le suivi de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quand nous croyons tous au fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a transmis le message et nous a montré comment adorer Allah tabaraka wa ta'ala, et que ses compagnons ont transmis tout ce qu'ils savaient du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ramenez-nous une preuve, barakallahu fikum, que le takbir se fait comme tel. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, il continue et nous dit Wa qul la yasumanna ahadukum yawm al-jumu'ah illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu muttafaqun alayh. Excusez-moi, avant de traduire ce passage, je rapporte juste donc les termes, ce que j'ai cité tout à l'heure concernant, donc citant l'interdiction, le fait que ce n'est pas la sunna Non, le fait que les gens fassent tous ensemble, d'une même voix, le rappel, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et donc, il y a sur ce sujet les fatwas des grands savants de la communauté. Même parmi nos contemporains, on a Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, qui dit cela, comme on peut le trouver dans le Majmour. On a aussi Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Il a plusieurs fatwas sur ce sujet dans son Majmour. Et donc, ceux qui veulent retourner peuvent retourner vers les fatwas des grands savants, Cheikh Al-Fawzan aussi. Rahmatullahi ala al-jamia. Ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que aucun d'entre vous ne jeûne le vendredi. Sauf un jour, sauf en associant à celui-ci un jour avant lui ou un jour après lui. Muttafaqun alayhi, donc rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et donc encore ici, encore une interdiction de jeûner. Encore un jeûne qui est interdit. Quel est ce jeûne interdit? C'est le jeûne du vendredi. Il est interdit donc de jeûner le vendredi. وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَا. Cet avis, c'est l'avis de la grande majorité des savants. أي أنه لا يجوز صوم الجمعة إلا أن نصوم معه يوما قبله أو يوما بعده. Et donc cet avis, l'avis de la grande majorité des savants, c'est-à-dire Al-Shafi'iyya ainsi que Al-Hanabila et Al-Ahnaf. Donc l'école Shafi'ite, l'école Hanbalite et l'école Hanafite. Les trois écoles, ils voient que cela est interdit de jeûner le vendredi, sauf si on jeûne avec le vendredi, le jeudi ou le samedi. Le jeudi ou le samedi. Pourquoi? Comme on le voit ici dans ce hadith qui est clair dans Sahihayn. L'imam Malik, rahimahullah, lui, il voit qu'il est permis de jeûner le vendredi seul. Il voit qu'il est permis de jeûner le vendredi seul. Et ceci, donc, à cause d'un hadith qui a été rapporté dans Sunan al-Nasa'i, al-Tirmidhi, al-Darimi, aussi Abu Daoud, si je ne me trompe pas. Et donc, qui montre que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jeûnait souvent le vendredi. Le rapporteur qui nous dit je l'ai rarement vu se nourrir ou je l'ai rarement vu ne pas jeûner le vendredi. Les savants qui nous disent il n'y a pas de contradiction à cela. Les autres savants nous disent le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à jeûner le vendredi ou jeûner beaucoup le vendredi, cela ne contredit pas le hadith que nous avons aujourd'hui. Au contraire, donc il jeûnait le vendredi avec un autre jour, soit le jeudi avec, soit le samedi avec. Il n'y a pas de mal à cela. Et donc on reste toujours sur la base, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est interdit de jeûner le vendredi seul. Il est interdit de jeûner le vendredi, sauf si on jeûne avec lui un jour avant lui ou un jour après lui. Donc l'avis le plus juste, inshallah ta'ala, dans ce sujet, c'est l'avis de El-Jumhur, la majorité des ulema. Et encore une fois, donc, on voit que, comme l'a dit l'imam Malik, rahimahullah, kullun yu'khad min qawlihi wa yurad. Nous pouvons prendre la parole de tous ou la rejeter. Illa sahib hadha al-qabr. Sauf celui qui est dans cette tombe. Et il a montré la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc tout le monde peut se tromper. Tout le monde peut se tromper. Voilà pourquoi il n'est pas correct, comme on voit certains qui s'accrochent à un madhhab et dit moi, je suis hanafite. Et il s'accroche que aux paroles de l'ahnef. Un autre, moi je suis malikite. Et je m'accroche que aux paroles de l'malikiya. Un autre, moi je suis hanbalite. Et je m'accroche que aux paroles de l'hanabila. Un autre, moi je suis shafi'i. Et je m'accroche que aux paroles de shafi'i. Ça c'est une erreur. Ça c'est une erreur. Il n'y a pas de mal pour celui qui a étudié, par exemple, il s'est spécialisé dans l'étude du madhhab shafi'i, de dire donc, il est shafi'i. Mais ça ne veut pas dire qu'il s'accroche aveuglément à l'école shafi'i. Comme on a al-Nawawi, rahimahullah, al-Hafiz al-Nawawi, il était donc de l'école shafi'i. Mais il y a plusieurs avis où al-Nawawi contredit son imam, il contredit l'imam shafi'i. Parce qu'il n'y a pas de suivi aveugle. Et donc c'est important, chers frères, de faire attention à ce sujet-là. Ensuite, on continue donc la parole de l'auteur. qui nous dit وكل من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. Et il a dit, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui jeûne Ramadan en ayant foi et espérance, alors ses péchés passés lui seront pardonnés. Et celui qui prie la nuit du destin avec foi et espérance, alors ses péchés passés lui seront pardonnés. Muttafaqun alayhi, rapporté donc par Al-Bukhari et Muslim. Oh chers frères, cela nous montre une leçon importante. Comme on l'a vu précédemment, Allah tabaraka wa ta'ala nous a légiféré le jeûne du mois de Ramadan pour qu'on atteigne la piété. Et une des leçons importantes de la piété, c'est le tawhid. Le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala seul. Et donc celui qui va jeûner Ramadan en ayant la foi en Allah tabaraka wa ta'ala seul et en espérant sa récompense. Tu espères la récompense venant d'Allah Azza wa Jal. Tu n'espères pas les éloges des gens. Tu n'espères pas le fait que les gens pensent du bien de toi. Celui qui est comme tel, غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Alors ses péchés passés lui seront pardonnés. Allahu Akbar. Quelle belle leçon. Il y a énormément de leçons profitables à tirer du jeûne de Ramadan. Une éducation pour tous, afin qu'on continue avec toutes ces leçons pendant le reste de l'année. Et ça, c'est important. Et parmi ces leçons profitables, cette leçon qui est citée dans ce hadith, le fait d'adorer Allah, tabaraka wa ta'ala, seul, sans lui accorder quelconque associé, et le fait d'espérer la récompense venant de lui. Ce que tu fais pour le jeûne, fais-le aussi pour les autres actes d'adoration durant les autres mois que le mois de Ramadan. Ensuite, l'auteur qui continue en nous disant, rahimahullah, il nous dit, wa kana ya'takifu. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف أزواجه من بعده متفق عليه. Et donc, il nous dit, et le prophète صلى الله عليه وسلم s'adonnait à la retraite spirituelle, l'i'tikaf. Il s'adonnait à la retraite spirituelle les 10 derniers jours de Ramadan jusqu'à ce que Allah tabaraka wa ta'ala le fasse mourir, et ses épouses se sont adonnées à la retraite spirituelle après sa mort. Sallallahu alayhi wa sallam, hadith rapporté par donc Al-Bukhari et Muslim. Ayyuha al-ikhwa wal akhawat, hadha al-hadith dalilun ala sunniyatil i'tikaf. Ce hadith est une preuve qui montre que l'i'tikaf, la retraite spirituelle, est légiférée. وَاِعْلَمُوا أَيُّهَا الْإِخْوَةُ أَنَّ الْإِعْتِكَافَ سُنَّةٌ فِي جَمِيعِ الْأَزْمَانِ. La retraite spirituelle est permise à n'importe quel moment de l'année. Attention, ce n'est pas que durant Ramadan. Elle est permise à n'importe quel moment de l'année. وَيَتَأَكَّدُ الْأَمْرُ فِي رَمَضَانِ. Et donc, ce caractère légiféré augmente encore plus pendant Ramadan. Et cela augmente encore plus pendant les 10 dernières nuits de Ramadan. Pendant les 10 dernières nuits de Ramadan. Et donc ça, c'est important, mon cher frère, de tirer des leçons de ce i'tikaf. Parmi les leçons importantes, en fait, les frères, si on médite sur les versets et les ahadiths qui ont été cités concernant le jeûne du mois de Ramadan, on va trouver énormément de profits et de leçons pour les autres jours de l'année. Exemple, ici, l'i'tikaf, la retraite spirituelle. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adonnait à la retraite spirituelle. Le fait de délaisser les gens. Wa tark al-masharil. Le fait de délaisser les occupations. Accorde un peu de ton temps pour ton Seigneur de façon spécifique. pour ton Seigneur de façon spécifique. Éteins le téléphone, WhatsApp, hein, et tout ça, toutes les applications qu'on a. C'est bien si on arrive à mettre ça de côté. Et tu délaisses les autres occupations et tu accordes ton temps. Ce moment-là, de temps à temps, c'est l'Illahi tabaraka wa ta'ala. Je lis le Coran, je fais ci, je fais ça, etc. Ya ikhwa, Ramadan, c'est une éducation. Si tu arrives à faire ça pendant Ramadan, pendant que tu es mu'takif, en retraite spirituelle, qu'est-ce qui t'empêche de le faire après Ramadan? Hein? De t'accorder une petite heure par jour où tu t'éloignes, tu dis, ah, personne ne vient me déranger. De telle heure à telle heure, non. C'est le moment, l'illahi ta'ala. Parce qu'on a besoin de ça, oh, cher frère. On a besoin de ça. Il y a des gens, ils n'arrivent pas, ils te disent, j'arrive pas à finir le Coran une fois dans l'année. J'arrive pas à réviser mon vocabulaire. Quand on apprend la langue arabe, c'est beaucoup, j'arrive pas à réviser mon vocabulaire. J'arrive pas à réviser les règles de grammaire. J'arrive pas à réviser ci. J'arrive pas à apprendre les moutounes. J'arrive pas à apprendre le Coran. J'arrive pas à apprendre les hadiths. Taïm, est-ce que tu accordes de ton temps l'illahi tabaraka wa ta'ala? Voilà la question. Il faut qu'on arrive à sacrifier de notre temps pour notre religion, pour s'écarter un peu des gens, pour délaisser un peu les occupations de ce bas monde et nous concentrer un peu de temps spécifiquement pour l'au-delà. Ramadan, c'est une éducation. Les leçons que tu as tirées de ce mois, applique-les pendant les autres mois. Parce que tu es un adorateur d'Allah, tabaraka wa ta'ala, le vivant, celui qui ne meurt pas. Mais tu n'es pas adorateur de Ramadan. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, Abu Bakr a pris la parole et il a dit « Ayyuhan nas, ô homme, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. » Celui qui adorait Muhammad, alors certes Muhammad est mort. « Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. » Et celui qui adore Allah, alors certes Allah est vivant, il ne meurt pas. Et ensuite, il a récité la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Certes, tu es mortel et ils sont mortels. Et donc, oh chers frères, les leçons que nous tirons de ce mois, nous devons les appliquer aussi durant les autres mois. Et c'est comme ça qu'on va profiter donc de cette parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba 'ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux communautés d'avant vous afin que vous atteigniez la piété. On continue ensuite, l'auteur qui nous dit rahimahullah. Donc on va lire ici maintenant la dernière parole de l'auteur dans ce chapitre. Il finit ce chapitre en nous disant « Wa qala la tushaddu ar-rihal illa ila thalathati masajid al-masjid al-haram wa masjid hadha wa al-masjid al-aqsa muttafaqun alayh. » Ensuite, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas permis de voyager, il n'est permis de voyager que vers trois mosquées. La mosquée sacrée, donc la Mecque, ma mosquée, donc la mosquée de Médine, et la mosquée de l'Aqsa. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ici, on voit dans ce hadith, au Shafka, l'auteur il nous cite cela ici. Pourquoi? Parce qu'on a parlé auparavant, on a parlé de l'irtikaf, la retraite spirituelle. La retraite spirituelle se fait dans les mosquées. Et donc, la question qui se pose, c'est est-il permis de voyager pour faire la retraite spirituelle dans une autre mosquée que les trois mosquées? Les savants sont unanimes quant au fait que il est légiféré de faire la retraite spirituelle dans les trois mosquées sacrées, dans les trois mosquées donc, qui ont été citées ici. Concernant les autres mosquées, il y a divergence. Concernant les autres mosquées, il y a divergence des savants. Donc, déjà, premièrement, On comprend un point essentiel, c'est l'interdiction de voyager vers une mosquée, une autre mosquée. Tu n'as pas le droit de voyager vers une autre mosquée. Par contre, si tu voyages pour autre chose que la mosquée, pourquoi? Parce que la mosquée, elle n'est pas sacrée. Donc ce caractère sacré, ce caractère qu'a la mosquée ne te permet pas de voyager vers elle. Par contre, si tu voyages pour étudier, par exemple, tu vas vers un cheikh il donne des cours dans telle mosquée. Tu veux aller faire ton i'tikaf, ta retraite spirituelle, dans telle mosquée, ça nécessite un voyage. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a des cours qui sont donnés. Et donc toi, tu vas là-bas pour les cours. Tu ne vas pas là-bas pour le caractère sacré de la terre. Et donc, on fait attention, il faut bien comprendre ce hadith. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de voyager pour aller assister à des cours. Ou autre. Ce qui est voulu par là, c'est que la terre sacrée à la Mecque, à Médine, El-Aqsa, ce sont ces endroits-là où les terres sont sacrées, où tu peux voyager pour bénéficier de ce caractère sacré de cet endroit. Par contre, si tu veux voyager pour une autre cause que la terre, alors là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mal. Tant que c'est légiféré, bien sûr. On ne dit pas aller voyager pour adorer une tombe. Ça, c'est interdit, ça. Sans aucune divergence chez les gens de la vérité, chez les mouahidines, les monothéistes purs. Il y a un point essentiel, ô chers frères. Le hadith de Aïcha radiallahu anha dans Sahih al-Bukhari et Muslim. Aïcha radiallahu anha qui nous dit: In kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yudkhilu alayya ra'sahu wa huwa fil masjid fa urajjiluhu wa kana la yadkhulu al-bayt illa li hajatin idha kana mu'takifan. Et donc elle nous dit Aïcha radiallahu anha dans Sahihain que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pendant qu'il était donc en retraite spirituelle à la mosquée, il sortait sa tête de la mosquée, il faisait rentrer sa tête donc dans la chambre de Aïcha radhiyallahu anha et elle le coiffait. Et elle le coiffait Aïcha radhiyallahu anha. Et elle nous dit radhiyallahu anha et il ne sortait sallallahu alayhi wa sallam, il ne rentrait à la maison sallallahu alayhi wa sallam que lorsqu'il avait un besoin alors qu'il était en état de retraite spirituelle. Et donc les savants sont unanimes, ô chers frères, quant au fait qu'il est permis, pour celui qui fait une retraite spirituelle, qui fait un irtikaf, il lui est permis de sortir de la mosquée pour accomplir ses besoins. Il lui est permis de faire ce dont il a besoin pour être propre. Car notre religion nous appelle à la propreté. Il ne faut pas oublier cela. Ce n'est pas parce que tu es en état de retraite spirituelle que ça veut dire que tu dois te laisser aller. Notre religion nous appelle à la propreté. Et aussi, donc, avant de finir, encore, on a 2-3 points à voir rapidement, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, je vais pouvoir vous laisser partir. Je sais, en général, les frères, désolé, à chaque fois, le dernier cours, il est plus long que la moyenne. C'est comme ça, c'est parce qu'on veut finir. Il faut finir, donc, le chapitre. Et donc, à chaque fois, c'est toujours un petit peu plus long, à chaque fois, les derniers cours. Cette semaine, j'ai fait que m'excuser par rapport à cela, parce qu'on a fini plusieurs chapitres cette semaine. Donc, qu'Allah Azza wa Jal nous facilite et nous accorde à tous une séance profitable. Il y a aussi une autre divergence des savants sur le sujet de l'irtikaf, de la retraite spirituelle. Est-ce qu'on peut l'accomplir? Donc on a vu qu'on peut accomplir l'irtikaf dans une mosquée, que ce n'est pas forcément une des trois mosquées qui ont été citées dans le hadith précédent. Tu peux faire la retraite spirituelle dans la grande mosquée qui est à côté de chez toi. Est-ce que tu peux faire la retraite spirituelle dans une mosquée où on ne fait pas le Jumu'ah? Parce qu'il y a certaines mosquées où il n'y a pas le Jumu'ah. Parce qu'on fait la différence entre le masjid et le masjid al-Jami'a, la mosquée, et la grande mosquée dans laquelle on fait le Jumu'ah. Certains des savants, comme l'imam Malik et l'imam Shafi'i, ils voient que le i'tikaf, la retraite spirituelle, elle ne se fait que dans les grandes mosquées où on peut faire le Jumu'ah. Pourquoi? Pour éviter que le mu'takif il sorte pour aller au Jumu'ah. Parce que s'il fait ça, sa retraite spirituelle, dans une mosquée où il n'y a pas le Jumu'ah, il va devoir sortir de la mosquée pour aller participer au Jumu'ah. Par contre, l'imam Ahmed et l'imam Abu Hanifa, eux, ils voient qu'il est permis de faire l'irtikaf, la retraite spirituelle, dans n'importe quelle mosquée. Et leur preuve, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa antum akifuna fil masajid. Alors que vous êtes en retraite spirituelle dans les mosquées. Il nous dit cette parole, elle est générale, les mosquées. Il n'y a pas de texte qui stipule que c'est forcément une mosquée où on fait le Jumu'ah. Il y a un hadith qui a été rapporté qui stipule que c'est une mosquée qui fait le Jumu'ah. C'est un texte, le hadith de Aïcha radiallahu anha, mais il y a une grande divergence des gens du hadith concernant cela, et la grande majorité des gens du hadith n'attribuent pas cette parole à Aïcha radiallahu anha, mais à un des narrateurs qui a apporté cela. Et donc on ne peut pas utiliser ceci comme preuve pour dire qu'il faut absolument que la mosquée soit une mosquée qui fasse le Jumu'ah. Voilà pourquoi la vie le plus juste ici, c'est la vie donc de l'imam Ahmed et de l'imam Abu Hanifa. Donc qu'on peut faire le RTKF, la retraite spirituelle, dans n'importe quelle mosquée, même si c'est une mosquée qui ne fait pas le Jumu'ah. Comme on a actuellement, chez nous en Martinique par exemple, nos frères du Nord, qui ont une mosquée, ils ont leur mosquée du Nord. C'est une mosquée dans laquelle on ne fait pas le Jumu'ah. Pour l'instant, il n'y a pas de Jumu'ah dans cette mosquée. Et donc, est-ce que ça veut dire que tu dois absolument aller à Fort-de-France pour faire le RTKF, la retraite spirituelle? On va te dire non. Tu peux le faire dans la mosquée qui est à côté de chez toi. Tu peux le faire dans la mosquée qui est à côté de chez toi. Tayyib, est-ce que tu peux faire l'irtikaf quelques heures? Ou alors c'est impératif que tu fasses l'irtikaf un jour, deux jours, trois jours. La vie de l'imam Malik, rahimahullah, c'est que l'irtikaf, il dure. Donc c'est au minimum un jour et une nuit. Certains savants d'Al-Malikiyah, ils nous disent deux jours. D'autres savants d'Al-Malikiyah, ils nous disent trois jours. L'imam Al-Shafi'i, Abu Hanifa et Ahmed, eux, ils voient qu'il n'y a pas de limite en cela. C'est-à-dire que tu fais l'irtikaf le temps que tu peux. Pourquoi? Parce que il a été rapporté dans le Sahih al-Bukhari que Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il a fait le vœu de faire une retraite spirituelle en pleine nuit. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a ordonné d'accomplir son vœu, de respecter son vœu, et donc de faire la retraite spirituelle en pleine nuit. Il n'a donc pas fait la retraite spirituelle un jour entier. C'était moins d'un jour, c'était juste une nuit. Voilà pourquoi les savants nous disent que, et donc, la retraite spirituelle, le temps que tu peux, Inch'Allah ta'ala, il n'y a pas de limite en cela. Dernier point qu'on va voir, c'est justement un point qu'on va tirer de ce hadith qui est dans Sahih al-Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a autorisé à Omar de faire le irtikaf une nuit. Cela nous montre que ce n'est pas une condition d'être jeûneur pour faire le irtikaf. Ce n'est pas une condition d'être jeûneur pour faire la retraite spirituelle. Pourquoi? Parce que le prophète, il a autorisé à Omar, dans Sahih al-Bukhari, de faire la retraite spirituelle en pleine nuit. On ne jeûne pas la nuit. Et donc, ce n'est pas une condition d'être jeûneur pour faire la retraite spirituelle. On va arrêter là pour aujourd'hui. Désolé les frères, ça fait 40 minutes de cours. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous une science profitable. Il est capable de toutes choses. Profitez bien de ces dernières nuits du Ramadan, de ces derniers jours de jeûne. Profitez bien pour vous rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala et continuez après le mois de Ramadan. Qu'Allah azza wa jal nous permette à tous de profiter pleinement de ce mois et de faire de nous des pieux et de nous faire mourir sur l'islam et la sunna et de nous ressusciter avec les prophètes, les martyrs, les pieux, les véridiques. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khayran.